Yeah. Oh, je dors les yeux ouverts. Je parle avec les esprits. J'ai fait souffrir car j'ai souffert. J'ai fait des erreurs, aujourd'hui j'en paye le prix. Je suis bon car à plus que je suis. Mes raisons, mes torts, c'est ça être vrai gousse. Et foutre des fous dans mes clips que moi-même je ne voudrais ni comme soeur ni comme épouse. Fou parmi des cons. En vrai, je sais même pas dans quoi je suis. Ces bâtards me critiquent. Si je les laisse ouvrir leur gueule, c'est juste que j'aime savoir dans quoi je suis. Je lâche des perles en stud, mais je crois que l'industrie n'y voit que chi. Et ma voisine du dessus me regarde comme si j'étais un frère, quoi, chi. On apprend à se faire tout seul, vu que le système nous néglige. Deal en croyant être straight alors qu'on se fait remarquer comme une pute dans une église. J'rappe pour mes rapsous, j'rappe pour mes niggis. Flag blanche ou beurre, je les aime tout du moment qu'elles remplissent leur leggings. J'ai l'inspire tout pack, flow, sale comme l'argent de la bigrave. Frais dans les clips à t'en faire croire qu'être négro en France n'a jamais été un handicap. Oui, j'ai signé, j'vais les saigner. Tout ça n'est qu'une affaire de franchir le cap. J'me mets à nu, mais j'suis pudique, un peu comme une actrice X en icap. Certains haïssent, certains m'aiment. Parle-moi Khalis, ou nique ta mère. J'veux somme sur somme, j'vais tout provoquer. Pas dans mon dessus de l'homme, sauf dans les pornos gays. Higo, je vous avais prévenu, en 2015, j'avais mangé du dos-dos. Perestroïka, 16 mars dans les bacs. C'est un bordel, Higo! Va le chercher ou on vient le chercher. Cassé dans tous les checks de ma ville. Des sales monacones là. Des blosses à ce soir. De rifle à Saran. Ça marche au vrai Saint-Jean. La Madeleine, les chaises. Etc, etc. Yeah. A tous mes riffis qui ravitaillent le secteur en taga. A mes Tounsi, mes DZ. A mes Kutcher, mes Tchétchen. Sénégal, Mali. Guinée, Mauritanie. Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire, Congo. Do, c'est la famille. Eh, tu sais quoi, gros? Rajoute dans l'instru, s'il te plaît. Ah, mais Bob, tout. Ah, mais Noachu. Bref, tous ceux qui sont dans le délire. Higo. Perestroïka. Perestroïka.